dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. On parle des nouveautés musicales de la semaine. Aussi, la chronique technologique CNX, ton plat favori avec Stéphanie et mon plat Tupperware préféré, celui avec les petits poils que tu peux comme... Et les sorties spectacles à ne pas manquer. Assemblage Requis, jeudi 15h, samedi 16h.